Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions autour de Schopenhauer, initialement diffusée en juin 2018, Schopenhauer où je fais un malheur. Aujourd'hui, troisième épisode, de l'égoïsme à la pitié. Vous êtes sans doute, comme nous tous, à la fois incapable de vivre seul et insupporté par la vie en société. Le philosophe Schopenhauer, lui, a choisi son camp. Il sera seul, tout seul. Il vivra seul, écrira seul et marchera seul, longtemps, en se répétant ces quelques lignes écrites dans Parerga et Paralipomena, dans un monde qui se compose pour 5/6 au moins de coquins, de fous et d'imbéciles. La règle de conduite de chaque membre du 6e restant doit être de se retirer d'autant plus loin qu'il diffère davantage des autres. Et plus loin il se retire, mieux cela vaut pour lui. Comme un bateau dérive, sans but et sans mobile, je marche dans la ville, tout seul et anonyme, où la ville et ses pièges, ce sont mes privilèges. Je suis riche de ça, mais ça ne s'achète pas. Je m'en fous. Bonjour Christophe Salin. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Avec ce plaisir coupable du matin, Jean-Jacques Goldman, qui marche seul comme Schopenhauer. Et c'est vrai que Schopenhauer cultivait la solitude, n'est-ce pas? C'est vrai, il cultivait même ça. Et la marche. La solitude, la marche avec son chien aussi. C'est ça, lui il avait un chien, donc peut-être pas si seul. Alors si j'en crois le titre de votre livre, Christophe Salin, on peut apprendre à philosopher avec Schopenhauer? Oui, il semble qu'on puisse faire ceci, oui, c'est vrai. En tout cas, vous apprenez aux élèves à philosopher, puisque vous enseignez la philosophie. Je m'efforce à le faire. Ouais. Au lycée Darius Milhaud, au Kremlin Bicêtre. D'ailleurs, ils seront contents. Voilà, On les salue. Que je les salue pour cette émission. Évidemment. Et pourquoi Schopenhauer en particulier? Pourquoi apprendre à philosopher avec Schopenhauer? Il s'adresse particulièrement aux élèves en terminale ou? Pas plus qu'un autre, mais je pense qu'il est. C'est un philosophe à part, finalement, dans la galaxie des philosophes. D'une part parce qu'il marche seul. Oui. Et d'autres. Kant aussi marche seul. Oui, mais Kant fait toujours un peu la même promenade. Toujours la même. Oui. Voilà, il y a quelque chose d'assez rigide chez lui, alors que Schopenhauer, même si au fond il s'est installé à un moment donné à Francfort pour ne plus le quitter, il nageait aussi. Il avait l'habitude de traverser la rivière, le Main, tous les matins. Enfin, dit-on, dans l'eau glacée. Donc à la marche, il y a aussi la nage, la natation. Mais c'est quelqu'un sans doute très routinier à bien des égards, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, contrairement à Kant. Avant de s'installer à Francfort, il a beaucoup voyagé. Il était allé en France quand il était gamin, quand il était enfant. Il était allé en Angleterre, il a passé 6 mois à Wimbledon, dont il dit que c'était effroyable. Il était dans une famille anglicane. Il implorait sa mère de venir le rechercher. Donc c'était une forme de punition qu'on avait. Sa mère avec laquelle il s'entendait très mal. Sa oui, mère mais qui finira par le déshériter. Voilà, mais à l'époque, il s'entendait avec elle parce qu'il était encore petit. Il avait 16 ans. Il est allé beaucoup en Italie, il était 2 fois en Italie. Il a laissé un petit journal de voyage où il y a tous les hôtels en France, en Angleterre, aux Pays-Bas, où il est passé. Donc ça pourrait être une sorte de guide Michelin avant l'heure. Et puis après, il a voyagé comme on voyage quand on a une bonne bibliothèque, en lisant des auteurs espagnols, italiens, anglais. Et puis aussi tout ce qui est oriental, il lisait beaucoup la presse, il s'intéressait à voilà tout ce qui était lointain, parce qu'il pensait qu'il y avait dans tout ce qui est lointain, il y avait quelque chose de proche. C'est ça l'honnête homme finalement, c'était d'abord un honnête homme. Contrairement à ce qu'il voulait faire croire. Oui, mais un honnête homme au sens de Montaigne, c'est quelqu'un qui effectivement, d'une certaine manière, c'était pas tant reclus dans sa bibliothèque, mais il y avait trouvé ses marques, ses aises, et d'une certaine manière, il pouvait passer toute son existence à philosopher, à penser, au fond, réussir ce qu'il avait toujours voulu, c'est-à-dire d'être un savant, libre, et qui est libre dans, en toute chose, à la fois ne dépendant de personne pour vivre et en même temps libre dans son, dans sa parole, dans son discours. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, cet homme seul et même franchement misanthrope, on va entendre un texte dans un instant qui en atteste, a produit ce qui ressemble à une morale, c'est-à-dire quand même une réflexion sur la manière que nous pouvons avoir d'agir selon le bien et surtout d'agir en fonction d'autres personnes, puisque la morale n'est jamais pour un homme seul. Ça paraît très surprenant, Christophe Salin. Oui, mais en même temps, c'est une morale qui, il faudra bien le préciser, qui n'est pas prescriptive. Il ne s'agit pas, chez Schopenhauer, de dire ce qu'on doit faire et comment on devrait le faire, mais de dire au fond, quand on regarde les hommes agir, on voit au fond ce qu'ils sont. Et nos actes traduisent ce que nous sommes. Et il y a chez Schopenhauer effectivement cette idée que nous sommes, enfin, chacun a un caractère qui lui est d'emblée donné par son appartenance ou son, le partage qu'il a de la volonté métaphysique dont vous avez déjà parlé hier et avant-hier. Et en même temps, chacun découvre au fond son caractère dans ses propres actes. Donc ce caractère transcendantal qui est celui de la volonté se manifeste empiriquement dans nos actes et on peut en tirer ce qu'il appelle le caractère acquis, c'est-à-dire la connaissance que nous avons de nous-mêmes. Et d'une certaine manière, nous savons si nous sommes quelqu'un, comment dire, si nous sommes davantage mus par un égoïsme sans frein ou au contraire si nous sommes aptes par notre conduite à retenir justement cet égoïsme naturel. Vous dites la volonté transcendantale, c'est indépendante de l'expérience, c'est-à-dire que sans application directe dans l'expérience, et ce que vous appelez le domaine empirique, et au contraire, ce qui relève de l'expérience. Ça veut dire que chez Schopenhauer, il y a une morale qui, comme Kant, postule l'existence de quelque chose qui précède l'expérience, une norme du bien a priori? Non, alors il n'y a pas, enfin, non, c'est pas comme ça que ça fonctionnerait. Non, quand je parle du caractère transcendantal, c'est au fond le fait que pour Schopenhauer, il y a la volonté qui est le fond de toute chose. Mmh. Et cette volonté, elle s'objective, elle se manifeste à travers le temps, l'espace, dans des formes particulières qui sont les phénomènes. Les phénomènes étant la manifestation de la volonté, ils ont donc un caractère ou ils ont quelque chose, une nature qui leur est déjà assignée par l'appartenance à la volonté. Mais cette nature, elle se révèle, elle se manifeste dans le phénomène, dans nos comportements, et elle se révèle d'abord sous l'angle de l'égoïsme. C'est-à-dire que pour Schopenhauer, au fond, faut toujours partir de l'égoïsme quand on veut parler de la morale, parce que c'est le fait premier, finalement. Chacun se pensant comme étant le tout du vouloir, chacun faisant l'expérience du vouloir qui est en lui, s'imagine être l'alpha et l'oméga de cette réalité-là. Et il voit les autres, au fond, comme des auxiliaires, des obstacles. Parfois même, il leur prête autant de réalité qu'à des fantômes. Mmh. C'est-à-dire qu'il fait d'eux ce qui lui conviendrait. C'est à partir du moment où on peut briser ou déchirer cette première illusion qui est de croire que je suis finalement le seul phénomène qui veut quelque chose. À partir du moment où je pourrais voir que cette volonté elle est égale, elle existe chez les autres, à ce moment-là, eh bien, je pourrais effectivement renoncer ou surmonter l'égoïsme. Mais on n'en est pas là, on a encore du temps pour y arriver, Christophe Salin. On va rester un instant dans cet égoïsme qui est le point de départ de la morale chez Schopenhauer, parce qu'une des conséquences de cet égoïsme est que le spectacle des hommes est insupportable à l'homme égoïste qui méprise profondément les hommes, c'est en tout cas ce que dit Schopenhauer, dans un texte qu'on va écouter tout de suite et qui est tiré, alors éclairez-nous, je l'ai cité en introduction d'ailleurs, qui est tiré d'un texte beaucoup moins connu qui s'appelle Parerga et Paralipomena. Qu'est-ce que c'est que ce titre ? Parerga et Paralipomena, c'est un ouvrage composite que Schopenhauer fait paraître en 1951 et qui est composé de tout un ensemble d'essais. D'une certaine manière, c'est un petit peu le dernier livre des suppléments du monde comme volonté, comme représentation. Schopenhauer, c'est quelqu'un qui a passé sa vie à écrire un livre, en fait. Alors qu'on l'a connu par les petits livres qu'il a commis à côté. Voilà, et souvent les petits livres qu'il a commis à côté sont des essais, justement, qui font partie de ces suppléments, qui font partie de ces grands textes. Mais les Parerga et Paralipomena, Ça veut dire quoi, déjà? C'est... comment on appelle ça, c'est à la fois des textes plus ou moins importants. Alors les Paralipomena, c'est les petits textes, les Paringas sont les textes un peu plus conséquents. Mais voilà, au fond, c'est les derniers suppléments du monde, on va dire. Eh bien, heureusement qu'il est allé jusque-là, car il a pu ainsi avouer son amour pour l'animal et son mépris pour l'humanité. Écoutez, c'est lu par Daniel Mesguich. Je dois l'avouer sincèrement, la vue de tout animal me réjouit immédiatement et m'épanouit le cœur. Surtout la vue des chiens, et puis celle de tous les animaux en liberté, des oiseaux, des insectes, etc. Au contraire, la vue des hommes provoque presque toujours en moi une aversion prononcée, car il m'offre, à peu d'exceptions près, le spectacle des difformités les plus repoussantes et de toute nature. Laideur physique, expression morale de passion basse et d'ambition méprisable, symptômes de folie et de perversité, et sottises intellectuelles de toutes sortes et de toute grandeur, enfin l'ignominie par suite d'habitudes répugnantes. Aussi je me détourne d'eux, et je m'enfuis vers la nature végétale, heureux d'y rencontrer les animaux. Dites ce que vous voulez, la volonté, au plus haut degré de son objectivation, loin d'offrir un bel aspect, en offre un repoussant. La couleur blanche du visage n'est-elle pas déjà antinaturelle? Et les vêtements qui recouvrent le corps, cette triste nécessité du Nord, ne sont-ils pas une déformation? Rossini fait partie des musiciens et compositeurs que Schopenhauer aimait particulièrement, et c'est de Schopenhauer qu'il s'agit aujourd'hui et cette semaine. Schopenhauer, son pessimisme, la souffrance, l'ennui, mais aussi sa morale. On va la découvrir ensemble avec vous aujourd'hui, Christophe Salin. Le texte que l'on vient d'entendre est assez intéressant. D'ailleurs, intéressant et surtout très parlant. Et on peut dire à ceux de nos auditeurs qui n'ont jamais lu Schopenhauer qu'on peut finalement commencer par les petits textes annexes. Vous en avez préfacé un sur le besoin métaphysique de l'humanité. On trouve ça aux éditions Mille et Une Nuits, parce que ce sont des ouvrages qui sont tout petits, qui tiennent, oui, dans la poche et qui sont écrits dans ce style très vivant. Oui, qui ont d'ailleurs une certaine unité, qui permettent d'accéder à la philosophie de Schopenhauer dans son ensemble par une porte dérobée. Le texte qu'on a entendu est justement un texte assez drôle, parce que il montre que philosophe de l'ennui, Schopenhauer propose des remèdes à l'ennui, hein, parce que c'est quand même toujours très très bien fait, très très bien tourné. Lire Schopenhauer, lire est un Schopenhauer remède à l'ennui. Est un remède à l'ennui. Moi, je me suis souvent ennuyé dans ma vie, mais jamais en lisant Schopenhauer. Donc, et sans doute parce qu'il y a une beauté de Il y a justement une beauté de sa prose, et puis il y a justement toute cette intelligence parfois très discutable, cette intelligence, cette affirmation. Je vais voir les animaux, je me détourne des hommes, je vais voir les animaux. Mais oui, enfin, je pense qu'il doit y avoir aussi des animaux qui ont des côtés absolument détestables. Mais voilà, Schopenhauer préfère y voir dans le regard calme de l'animal. Quelque chose encore assez pur, assez innocent. Et c'est vrai que les animaux ont un rapport plus spontané, plus immédiat aux choses, et sans doute n'ont-ils pas encore eu tout, enfin je sais pas, n'ont pas l'occasion d'ourdir les complots. Mais je sais pas, je suis convaincu que quand on observe bien les animaux, on voit qu'ils peuvent eux aussi faire preuve de ruse, peut-être pas de mensonge, mais enfin de dissimulation. Donc Mais c'est la nature qui loue, j'ai l'impression, surtout dans ce texte, il parle des vêtements qui couvrent le corps comme étant cette triste nécessité du Nord et qui sont une déformation. Comme si tout ce qui vient de l'homme, assez, oui, rousseauiste en fait, hein, serait quelque, oui, chose, oui, qui viendrait dénaturer la nature. Justement. Oui, mais Schopenhauer justement a sans doute la nostalgie de la nature, alors que par toute son existence, il montre son attachement à la culture, dans ce cas-là d'ailleurs le plus raffiné, ce qui n'est pas forcément après tout antithétique. Ce qu'on peut aimer dans la culture, effectivement, c'est ce qui semble le plus naturel, le moins contraint, ce qui serait fait, ce qui semble être fait avec le plus de spontanéité. Et sa théorie, par exemple, du génie, de la création artistique, etc., semble témoigner de cette idée-là. Il pense véritablement que le génie, celui qui crée spontanément, naturellement, le meilleur. Même si ça peut finalement être discutable. Donc si le point de départ de sa morale est l'égoïsme qui implique une forme de misanthropie, l'un n'applique pas forcément l'autre, hein, d'ailleurs, mais dans le cas de Schopenhauer, c'est ce qui se passe. Comment de cet égoïsme en vient-on à adopter une attitude morale ? Alors, l'homme, en fait, c'est pas le seul être égoïste, hein, mais c'est le grand égoïste. C'est bien pour ça qu'effectivement, il peut y avoir une misanthropie chez Schopenhauer. Parce que, voilà, ayant souvent observé les hommes, il a vu que plus on les connaît, enfin, plus on connaît des individus, plus on voit à quel point on devrait apprendre à s'en méfier. Donc, il y a une forme d'expérience des autres qui, effectivement, devient peu à peu quelque chose d'un peu aigri, qui généralise ensuite. Il y a un passage intéressant dans... je crois que c'est Fouché de Carreil qui était allé le voir, cet intellectuel français qui était allé le voir à Francfort et qui voyait Schopenhauer à l'hôtel d'Angleterre. Il avait sa table et puis il y avait une pièce d'or qui était posée sur sa table et il demande à Schopenhauer mais cette pièce d'or c'est fait pourquoi? Pourquoi vous avez cette pièce d'or? Et Schopenhauer dit, vous voyez le groupe de soldats là-bas, ça fait un mois que je les entends parler des femmes, parler du jeu, parler de tout et n'importe quoi. Et ça fait un mois que je me dis, le jour où ils arrêteront d'en parler, je leur donnerai la pièce d'or. Vous voyez, donc elle est toujours là, cette pièce d'or. Donc là, on a une observation misanthropique, sans aucun doute, des hommes. Et en même temps avec cet amusement, puisque cet amusement de Schopenhauer qui a, en même temps est convaincu que de toute façon on ne change pas. Donc j'ai pas grand chose à perdre à promettre une pièce d'or, je n'aurai jamais à la donner. Pour un égoïste misanthrope, il fait quand même grand cas de la des autres, notamment lorsqu'il rédige cet art d'avoir toujours raison en 37 points. Là aussi, c'est un très court texte de Schopenhauer qu'on peut se procurer et qui liste vraiment les 37 points, l'exagération, jouer sur les mots, la généralisation, la rétorsion, la déformation des paroles, en cas de colère de votre adversaire, exacerbez-la, le déni, utiliser les arguments d'autorité, etc. C'est un vrai manuel et on se rend compte ici que la forme de... soi-disant de misanthropie et plutôt de la mauvaise foi, ce qui est très différent. La mauvaise foi est quand même le signe de quelqu'un qui a besoin des autres, qui veut les duper, certes, mais qui a besoin de la société pour se donner en spectacle. Écoutez cet extrait. Alors, on va entendre un extrait de L'art d'avoir toujours raison lu par le comédien Didier Bourdon, qui semble incarner Schopenhauer à la lettre. Et mais avant ça, un très court extrait du film Le Brio, réalisé par Yvan Attal, où il y a un cours donné sur l'art d'avoir toujours raison. C'est Daniel Auteuil dans le rôle du professeur et Camélia Jordana dans le rôle de l'élève. Il n'y a que ça qui compte, convaincre, avoir raison. La vérité, on s'en fout. Vous vous souvenez? On va donc commencer par la base. Schopenhauer, un monsieur allemand très rigolo qui vivait au début du 19e siècle, a écrit aussi un texte très rigolo qui s'appelle « L'art d'avoir toujours raison ». 38 stratagèmes destinés à avoir toujours raison. Commençons. Stratagème numéro 31. Quand l'on n'a rien à faire valoir contre les raisons exposées par l'adversaire, que l'on se déclare incompétent, avec une ironie subtile, ce que vous dites là dépasse mes faibles facultés de compréhension. Cela peut être tout à fait juste, seulement je n'y entends rien et je renonce à tout jugement. On insinue de cette manière aux auditeurs qui vous estiment que ce sont des niaiseries. C'est ainsi qu'à l'apparition de la critique de la raison pure, ou pour mieux dire, dès qu'elle commença à faire sensation, bon nombre de professeurs de la vieille école éclectique déclarèrent « Nous n'y comprenons rien », croyant lui avoir ainsi réglé son compte. Seulement, lorsque quelques partisans de la nouvelle école leur prouvèrent qu'ils disaient vrai, et qu'ils n'y comprenaient rien, en effet, ils manifestèrent beaucoup de mauvaise humeur. On ne doit faire usage de ce stratagème que si l'on est sûr de jouir chez les auditeurs d'une considération nettement supérieure à celle dans laquelle ils tiennent votre adversaire. Par exemple, quand un professeur réfute un étudiant. La contre-attaque consiste à dire « Excusez-moi, mais avec votre grande pénétration, vous devez n'avoir aucun mal à comprendre et l'imperfection de mon exposé est seul responsable, et lui tartiner quant à l'objet de ce débat de telles flatteries sur la figure que le voilà obligé, nolens volens, de le comprendre, ce qui rend évident qu'auparavant, il n'y comprenait effectivement rien. On a donc renvoyé l'attaque à son auteur. Il voulait insinuer que nous soutenions des niaiseries, nous l'avons convaincu de sottises. L'un et l'autre sous les formes d'une parfaite politesse. Didier Bourdon qui lit du Schopenhauer, c'est sur les chemins de la philosophie sur France Culture, en votre compagnie. Vous êtes philosophe Christophe Salin, professeur de philosophie au lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre. Vous avez rédigé « Apprendre à philosopher avec Schopenhauer » aux éditions Ellipse. Et vous avez aussi préfacé les manuscrits inédits de Schopenhauer, paru en 2017 aux éditions Coda. L'art d'avoir toujours raison fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est convaincant et qui surtout témoigne d'une grande connaissance de la nature humaine et de la rhétorique employée par les êtres humains qui l'entourent. Oui, la rhétorique, oui, tout à fait. Donc misanthrope jusqu'à un certain point. Oui, alors il faut quand même rappeler que l'art d'avoir toujours raison, ou en tout cas tous ces stratagèmes sont des stratagèmes effectivement rhétoriques, et en tout cas des stratagèmes qui sont faits pour déjouer les stratagèmes rhétoriques, c'est-à-dire comment ne pas se laisser avoir précisément par ceux qui ne jouent pas le jeu ou qui ne jouent pas qui ne veulent pas respecter les règles du vrai. Parce que quand Daniel Auteuil dans l'extrait qu'on a entendu dit commence par dire la vérité, on s'en fout. Schopenhauer ne serait pas prêt à signer dès demain, parce qu'au contraire, pour lui, il n'y a rien d'autre que la vérité. C'est le propre de ces philosophes qui prennent justement la vérité comme le seul but véritable de leur existence. Schopenhauer, quand il rédige ses stratagèmes, c'est parce qu'il voit bien qu'il y a tout un art d'avoir raison tout en disant n'importe quoi. Et il se garde bien, en ce qui le concerne, dans ses textes, de prétendre l'emporter par de la pure rhétorique. Donc dans ses écrits philosophiques, il est du côté de la vérité. Absolument. Mais c'est quoi? C'est la dimension plus sociale où il trouve ça amusant d'avoir toujours raison, nécessaire? Oui, je pense en fait qu'on se serve de l'art d'avoir toujours raison dans le domaine de la justice chez les avocats. Effectivement, c'est même d'ailleurs assez cohérent puisqu'il s'agit quand même de l'emporter et on sait que la vérité judiciaire n'est pas la vérité. Et par conséquent, au fond, on peut en rester à un jeu d'apparence. Mais pour ce qui est de la philosophie, si on commence par des stratagèmes, ça va pas aller bien loin, justement, parce que on sera dans un jeu d'esbrouf. Or, Schopenhauer a toujours mis justement un point d'honneur et d'une grande clarté. Schopenhauer, c'est quand même le philosophe. Vous voyez, apprendre la philosophie avec Schopenhauer, peut-être parce que c'est un philosophe d'une grande clarté. C'est un philosophe qui ne veut pas... Après, on pense à ce qu'on veut de ce qu'il dit, mais il ne veut pas raconter des salades, il ne veut pas raconter n'importe quoi. Il y a peu de philosophes qui veulent raconter n'importe quoi, quand même. Mais il y a des philosophes qui peuvent avoir tendance à forcer un peu le trait des choses, à se servir d'arguments qui n'en sont pas vraiment. Ou alors, il y a des philosophes qui ne sont pas d'une grande clarté, tout simplement. Il y a des philosophes qui sont obscurs et qui jouent de cette obscurité. Je sais que par mes élèves, vous voyez, moi j'ai des élèves qui parfois s'imagine que pour avoir l'air profond, faut être confus. Mais pourtant, j'espère qu'ils ne prennent pas cet exemple sur moi. Mais c'est vrai que des fois, les choses profondes, on peut avoir du mal à les comprendre, mais que les choses soient profondes parce qu'elles sont confuses, ça ne peut pas fonctionner. C'est vrai que les stratagèmes rhétoriques laissent entendre à chaque fois que si vous n'avez pas compris, c'est parce que soit j'ai pu effectivement mal m'exprimer, mais je ne comprends pas que vous ne compreniez pas, parce que vous êtes tellement brillant que vous devriez déjà avoir compris tout cela. Et la flatterie, toutes ces choses-là, ne sont pas des choses qui peuvent fonctionner dans un livre de philosophie. Parce que effectivement, pour être, comment dire, cette flatterie, elle fonctionne peut-être dans le débat, dans le vif des échanges. Mais quand on lit de la philosophie, on peut reposer le livre, on peut relire la page, on peut. Et au fond, ce qu'on veut, c'est quand même savoir si ce que l'on dit est vrai, et non pas si ça a de l'allure quelque chose comme ça. On va remonter jusqu'au fondement de la morale chez Schopenhauer. On a parlé de l'égoïsme, de la misanthropie, de l'art d'avoir toujours raison, qui est plus une manière de se comporter en société que d'agir moralement, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une manière d'agir moralement pour Schopenhauer. On va essayer de l'explorer ensemble en écoutant un texte qui est tiré d'un écrit intitulé « Le fondement de la morale ». Donc c'est très clair, il y a un fondement à la morale. Et le texte montre le passage de l'égoïsme à la pitié. Il définit la pitié en s'intéressant à la notion de cruauté. Alors attention, le texte qu'on entend est très cru, justement, et décrit des situations qui glacent le sang, enfin en tout cas en ce qui me concerne. Il n'est rien qui soulève jusque dans ses profondeurs notre sentiment moral autant que la cruauté. Toute autre faute, nous pouvons la pardonner. La cruauté, jamais. La raison en est que la cruauté est précisément le contraire de la pitié. Venons-nous à apprendre quelque acte de cruauté comme est celui-ci dont les journaux viennent de nous apporter la nouvelle d'une mère qui a tué son petit garçon, un enfant de 5 ans, en lui versant dans le gosier de l'huile bouillante et son autre enfant, plus petit encore, en l'enterrant tout vif? Ou cet autre qu'on nous annonce d'Alger, une dispute suivie de rixes entre un Espagnol et un Algérien, et où celui-ci, ayant eu le dessus, brisa à son adversaire la mâchoire inférieure, la lui arracha net et s'en alla avec ce trophée, laissant là l'autre qui vivait encore. Aussitôt, nous voilà saisis d'horreur. Nous nous écrions « Comment peut-on faire de pareilles choses ?» Quel est le sens de cette question? Celui-ci peut être « Comment peut-on redouter aussi peu les châtiments de la vie future ?» L'interprétation est difficile à admettre. Ou bien celui-ci « Comment peut-on agir d'après une maxime aussi peu propre à devenir la loi générale de tous les êtres raisonnables ?» Pour cela, non. Ou bien encore, « Comment peut-on négliger à ce point sa propre perfection et celle d'autrui ?» Pas davantage. Le sens vrai, le voici, à n'en pas douter. « Comment peut-on être à ce point sans pitié ?» C'est donc quand une action s'écarte extrêmement de la pitié qu'elle porte comme un stigmate le caractère d'une chose moralement condamnable, méprisable. La pitié est par excellence le ressort de la moralité. Schopenhauer a le sens des images et de l'argumentation, Christophe Salin, parce que si en écoutant ce texte, on voit comment il procède, il décrit les pires choses dont les êtres humains peuvent être capables, pour une mère de verser de l'huile bouillante dans le gosier de son enfant jusqu'à ce qu'il meure, et il s'interroge sur les raisons pour lesquelles cette mère, en l'occurrence, a pu commettre ce crime pour ensuite proposer sa définition de la morale, qui est que il n'y a pas de morale sans pitié, en réalité. Oui, alors en fait, il cherche surtout à comprendre cette révulsion qui nous prend. Oui. Parce que après tout, on ne saura jamais pourquoi elle a fait ça. Et on est effectivement dans le fait divers effroyable, dont, soit dit en passant, certains peuvent être friands. Donc ça peut être intéressant de se dire comment on peut aussi prendre plaisir au spectacle de la souffrance des autres ou à l'évocation de telles horreurs. Là, pour revenir à ce qu'on disait même tout à l'heure, à propos de l'art d'avoir toujours raison, on pourrait dire qu'il y a dans l'argument de Schopenhauer, après tout, une forme de stratagème, puisque Schopenhauer en appelle ici à l'expérience dans ce cas-là de plus immédiat, de plus direct. Et on pourrait dire que c'est vrai que quand on décrit de telles horreurs, on pourrait emporter la partie, puisque on serait un petit peu, si vous voulez, on est un peu dans une perspective qui pourrait être celle d'un Voltaire, par exemple, qui dans Candide a décrit tellement de douleurs, tellement de souffrances, qu'à partir de là, c'est quand même difficile d'aller défendre le point de vue de Leibniz, hein, selon lequel tout est toujours en progrès, la providence divine, etc. Alors, en fait, ce texte du fondement de la morale, c'est un texte qui est une réponse à un concours. Une question qui était mise au concours, on s'interrogeait sur le fondement de la morale. Schopenhauer est le seul à avoir répondu en écrivant cet ouvrage, et il n'a pas eu le prix. Il en a conçu quand même un certain sentiment un peu désagréable. Alors c'est vrai qu'on lui reprochait, entre autres, d'avoir été un peu cavalier ou un peu, comment dire, un peu injuste avec des philosophes de renom. C'est vrai que c'est un texte qui parle de Kant en des termes... Oui, qui n'est jamais très loin, même là on l'a entendu hein, quand même. Oui, oui. Surtout qu'il y a une référence à Kant chiffre. D'une certaine manière, puisqu'au fond, on se dit, mais comment... à la fois l'évocation de la vie future, donc là on voit bien que c'est pas... le fondement de la morale, il ne peut pas être dans la question divine ou dans la croyance en Dieu ou dans une récompense à venir. Il n'est pas non plus dans ce que Kant posait dans le principe d'une loi morale. Au fond, agit toujours comme si la maxime de ton action pouvait être érigée en loi universelle de la nature et à ne jamais traiter l'autre comme un simple moyen, mais toujours comme une fin. On voit bien que pour Schopenhauer, on est là dans des abstractions. Penser la morale à partir d'abstractions, c'est au fond ne jamais en saisir l'essence, le ressort véritable. Et c'est pour ça que si on peut se dire il y a comme un stratagème là de mettre sur la table tout de suite des faits qui vont nous heurter. En fait, c'est un stratagème qui tient à la nature de l'ouvrage qu'il écrit, puisque il devait répondre à la question sans faire référence à sa propre métaphysique. Et donc, contraint de ne pas faire référence à lui-même, il est bien obligé d'utiliser une autre méthode et donc de passer notamment par le chemin de l'expérience. Mais c'est en même temps parce que, pour Schopenhauer, la pitié, c'est d'abord une affaire d'expérience. C'est-à-dire que la souffrance de l'autre est un phénomène, c'est bien quelque chose dont j'ai l'intuition, qui m'apparaît in concreto et non pas in abstracto. C'est pas le résultat d'une réflexion que je pourrais mener et qui me conduirait à dire il faut faire preuve de pitié ou je devrais éprouver en moi un sentiment. Je l'éprouve ou je ne l'éprouve pas, et c'est dans la mesure où je l'éprouve que le spectacle de la souffrance d'autrui m'est intolérable. C'est la souffrance de l'autre qui est le spectacle qui produit en moi justement cette déchirure du voile de Maya, c'est le principe d'individuation, ce qu'on j'évoquais tout au début de cette émission, qui fait que nous nous prenons à chaque fois pour des phénomènes, dans une multiplicité de phénomènes, alors qu'en fait nous sommes de la même essence. Et le spectacle de la souffrance d'autrui, quand ce spectacle me pousse à, dans un premier temps, qui peut être de retenir, d'être un frein à mon bras, vous voyez. Je sais pas, imaginez ces deux gars qui se battent, dont l'un arrache la mâchoire à l'autre. C'est l'exemple qu'il prend. Celui qui a le dessus pourrait à un moment donné se dire, la souffrance de l'autre, voyez, enfin, il pourrait à un moment donné s'arrêter. Se dire bon, il a son compte, je vais pas en plus, vous voyez. Mais si on pousse jusqu'au bout la logique de Schopenhauer, ça veut dire que certains hommes sont incapables de moralité, puisqu'en fait il dit, comment peut-on être à ce point sans pitié, puisque la pitié est par excellence le ressort de la moralité. Celui qui, lorsqu'il casse la gueule de son voisin, le laisse dans le caniveau et n'a aucune pitié, ne pourra jamais agir moralement. Bah oui, c'est ça que ça veut dire. Donc la morale n'est pas universelle, elle est vraiment en tout point opposée à Kant. Ça veut dire qu'en fait il y a un ressort universel de la morale, au sens où finalement, la pitié, c'est la boussole, c'est ce qui me montre finalement dans quelle mesure je suis capable de ne pas affirmer ma volonté en niant celle de l'autre. Parce que c'est ça le principe pour Schopenhauer. Chacun cherche à affirmer ce qu'il est, à affirmer son vouloir, mais à un moment donné, je rencontre le vouloir de l'autre, et si j'affirme mon vouloir en niant celui de l'autre, je produis de l'injustice. Et si en plus je prends plaisir à ce tort que je porte à l'autre, eh bien à ce moment-là, effectivement, je suis un être cruel qui montre par là que, comment dire, la pitié n'existe pas en moi, ou en tout cas le spectacle de l'autre ne provoque pas la pitié, mais le contentement. Il y a dans les manuscrits inédits, il y a un petit passage, je n'ai plus en tête le paragraphe, mais c'est vers la fin du deuxième tome, où Schopenhauer dit que la détresse, le spectacle de la détresse, produit soit la pitié, soit le contentement. Mais voilà, ce soit, cette alternative, dans quelle mesure en sommes-nous maîtres ? Est-ce qu'on peut enseigner la pitié ? Est-ce qu'on peut apprendre la pitié ? Ou est-ce que nous naissons avec la pitié dans le cœur ou pas ? Oui, alors, bon, Schopenhauer dirait que la connaissance que j'ai de mon propre caractère produit à son tour une sorte de motif qui peut effectivement me permettre de me conduire autrement. Je peux éprouver du remords à ce que je fais, donc je peux éprouver de la mauvaise conscience. Je peux même dire même le salaud peut éprouver à un moment donné de la mauvaise conscience. C'est-à-dire qu'il peut prendre conscience. Mais c'est pas la même chose, c'est pas la pitié. Non, c'est pas la même chose, mais ça veut dire qu'il y a quand même la possibilité d'un certain rapport moral aux choses. Mais le problème, c'est que quand on éprouve du remords, on peut en même temps, comment dire, on voit qui on est, quel on est, parce qu'au fond, on sait que ce que l'on est, c'est ce que l'on veut. Et au fond, le remords est une forme de révélation de soi, dans la mesure où je me montre dans le remords, finalement tel que je suis, et puis je peux en concevoir effectivement un certain dépit, un certain chagrin moral. Mais ce que je voulais dire, c'est que je peux finalement apprendre à me connaître et par conséquent sans doute modifier certains de mes comportements, mais si je ne suis pas, si je n'éprouve pas effectivement de pitié, si je n'éprouve pas une forme de chagrin quand je vois les autres souffrir, eh bien c'est perdu. Hein. Voilà, donc on peut pas vraiment dire que Schopenhauer propose une morale dans la mesure où cette morale serait quelque chose qui s'appliquerait à tout un chacun, qui permettrait de régir la vie en société. Non, il dit simplement il y a des êtres qui, non, c'est même pas qu'ils sont bons, c'est qu'ils ressentent de la pitié et qui, de ce fait, peuvent ne pas commettre d'actions cruelles. Mais c'est tout, c'est voilà. Vraiment une morale minimaliste. C'est un constat, c'est même pas moral. C'est un enseignement de ce que nous sommes. C'est pas une morale prescriptive. Il n'y a pas, comme chez Kant, l'idée que voilà, il faut parce qu'il faut, il y a le devoir, je dois universaliser ma position, etc., etc. Il n'y a pas ça du tout. Il y a, je prends conscience finalement de ma nature profonde par la manière dont je suis affecté par les choses. Et pour ce qui est au contraire, donc si on part de cette idée-là, donc nous sommes capable de bonté ou de méchanceté. Après, ce qui importe, c'est quel préjudice je peux, comment éviter qu'on porte préjudice aux autres. Et là, c'est une autre question finalement, c'est la question du droit. Exactement, et c'est une question qu'il se pose dans Le Monde comme volonté et représentation, notamment avec la question de l'État, parce qu'une autre chose que l'on ignore à propos de Schopenhauer, la première, on l'a dit, c'est cette question de la morale qu'il aborde et à propos de laquelle il se situe, quoi qu'on en pense. Et la deuxième chose, c'est qu'il pense l'État civilisateur. Il écrit ceci dans Le Monde comme volonté et comme représentation. Si l'on pouvait concevoir une injustice commise qui n'eût pas pour corrélatif une injustice soufferte, l'État n'aurait logiquement pas à l'interdire. Aux yeux de la morale, l'objet à considérer, c'est la volonté, l'intention. Il n'y a pour elle que cela de réel. Selon elle, la volonté bien déterminée de commettre l'injustice, fût-elle arrêtée et mise à néant, si elle ne l'est que par une puissance extérieure, équivaut entièrement à l'injustice consommée. Celui qui l'a conçue, la morale, le condamne du haut de son tribunal comme un être injuste. Au contraire, l'État n'a nullement à se soucier de la volonté ni de l'intention en elle-même. Il n'a affaire qu'au fait, soit accompli, soit tenté, et il le considère chez l'autre terme de la corrélation, chez la victime. Pour lui donc, il n'y a de réel que le fait, l'événement. Si parfois il s'enquiert de l'intention, du but, c'est uniquement pour expliquer la signification du fait. Aussi, l'État ne nous interdit pas de nourrir contre un homme des projets incessants d'assassinat, d'empoisonnement, pourvu que la peur du glaive et de la roue nous retienne non moins incessamment et tout à fait sûrement de passer à l'exécution. Ce que nous dit Schopenhauer, Christophe Salin, qui peut décidément pas s'empêcher de parler d'assassinat et d'empoisonnement quand il commande les actions des hommes, c'est que le rôle de l'État, c'est de nous faire peur. C'est de brandir la menace de la punition d'agir cruellement. De nous faire tenir tranquilles. C'est-à-dire que ce que montre bien Schopenhauer, vous voyez, tout à l'heure on parlait de la morale, Et je vous disais, il n'y a pas de remède ou il n'y a pas de méthode pour devenir meilleur, parce que la morale, au fond, elle s'interroge toujours sur l'intention, elle s'interroge sur le faire, hein, le fait de faire, finalement. Et donc la morale, voilà, nous condamne du haut de son tribunal pour les intentions qui sont les nôtres et que nous mettons à exécution. L'État, lui, finalement, se tient au préjudice, savoir s'il y a préjudice, s'il n'y en a pas, circuler, il n'y a plus rien à voir. Mais s'il y a un préjudice, ça veut dire qu'il y a des victimes. Et là, du coup, oui, il faut faire quelque chose. Et au fond, ce que nous dit Schopenhauer, c'est que si vous ne pouvez pas rendre les hommes meilleurs, puisque c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on ne peut pas les rendre meilleurs, bah, vous pouvez quand même faire que leur méchanceté foncière ne fasse pas de victimes. Et ça, bah, c'est par effectivement par le recueil des peines, par la manière dont la loi, de manière inéluctable, va frapper le criminel dès lors où il commence effectivement à mettre à exécution son plan. Mais tant que on a des projets d'assassinat, mais qu'on ne commence pas du tout à les mettre en œuvre, effectivement, il n'y a aucune victime. Et si chacun a l'assurance qu'il sera puni, Schopenhauer nous dit, bien, nous aurons là une bête féroce qui sera aussi paisible qu'un herbivore, parce qu'il aura une muselière. Est-ce qu'il conçoit l'État d'une autre manière que comme cette machine à produire des châtiments? Est-ce qu'il y a une pensée politique de Schopenhauer et de l'État? Alors, bon, Schopenhauer, effectivement, évoque la question de l'État, il évoque aussi la question de la politique. C'est plutôt un conservateur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'aime pas trop le changement, mais qui en même temps est soucieux du droit. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui se satisfait des injustices. On trouve chez lui, et on peut mettre en rapport avec le sentiment moral extrêmement fort dont il entend parler, puisque il a, par exemple, quand il parle de la situation des Noirs en Angleterre, quand il dit justement que l'Angleterre a été prête à racheter tous ses esclaves, il dit bah voilà, ça c'est une action hautement morale, parce que c'est un scandale justement de pouvoir maintenir l'esclavage des frères, parce qu'au fond voilà, c'est sa position. Donc c'est pour quelqu'un qui est effectivement sur un plan politique plutôt conservateur, ce qui il tient quand même à l'assurance de pouvoir vivre en paix et de ne pas donc connaître de révolution qui viendrait le troubler dans son travail philosophique. En même temps, c'est quelqu'un qui ne peut pas ne pas s'émouvoir du sort qui est réservé à certains de ses contemporains. Le sort des prostituées, c'est quelque chose qui là aussi l'émeut, parce que voilà, il estime qu'il y a toute une hypocrisie bourgeoise, des femmes réduites comme ça en esclavage, etc. C'est une chose absolument inacceptable. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui à la fois considère qu'il y a des droits qu'on doit faire respecter, et donc il y a des droits sans doute à développer, et puis en même temps il est pour une stabilité politique, voilà. Donc le changement et la continuité ou vice versa. Sa découverte de pensée extra-européenne va changer quelque chose dans sa pensée, et dans sa pensée à la fois de la morale, même de la philosophie en général. Schopenhauer a beaucoup écrit contre toute forme de religion. La religion est vraiment ce qui éloigne l'homme de lui-même. Et pourtant, il va découvrir le bouddhisme et dire que le bouddhisme est finalement ce vers quoi tendait sa philosophie depuis le début sans le savoir. Mmh. Et alors qu'il va beaucoup fréquenter de textes de philosophie indienne, il va reprendre cette métaphore du voile de Maya que vous avez employé, oui. Christophe Salin, qui est donc ce voile qui viendrait recouvrir le monde, une sorte d'illusion qui nous laisserait croire que nous sommes seuls au monde. Voilà. Que se passe-t-il quand nous soulevons ce voile de Maya, et en quel sens le soulèvement de ce voile est une voie de conciliation possible pour la morale? La réponse dans ce texte, lu par Daniel Mesquich. Quand le voile de Maya, le principe d'individuation, se soulève devant les yeux d'un homme, au point que cet homme ne fait plus de distinction égoïste entre sa personne et celle d'autrui, quand il prend aux douleurs d'autrui autant de part que si elles étaient les siennes, et qu'ainsi il parvient à être non seulement très secourable, mais tout prêt à sacrifier sa personne s'il peut par là en sauver plusieurs autres, alors, bien évidemment, cet homme, qui dans chaque être se reconnaît lui-même, ce qui fait le plus intime et le plus vrai de lui-même, considère aussi les infinies douleurs de tout ce qui vit comme étant ses propres douleurs, et ainsi fait sienne la misère du monde entier. Désormais, nulle souffrance ne lui est étrangère. Toutes les douleurs des autres, ces souffrances qu'il voit et qu'il peut si rarement adoucir, celles dont il a connaissance indirectement, et celles même enfin qu'il sait possible, pèsent sur son cœur comme si elles étaient les siennes. Ce qu'il a devant lui, ce n'est plus cette alternance de biens et de maux qui est sa vie propre, et à quoi se bornent les regards des hommes encore esclaves de l'égoïsme. Comme il voit clair à travers le principe d'individuation, tout le touche également de près. Il aperçoit l'ensemble des choses. Il en connaît l'essence, et il voit qu'elle consiste dans un perpétuel écoulement, dans un effort stérile, dans une contradiction intime et une souffrance continue. Et c'est à quoi sont voués, il le voit, et la misérable humanité, et la misérable brute, et enfin un univers qui sans cesse s'évanouit. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est lorsque le monde est décrit comme un univers qui sans cesse s'évanouit et une société faite de souffrances perpétuelles que les choses peuvent commencer à s'améliorer pour quiconque sait regarder, Christophe Salon. Oui, pour quiconque sait regarder, parce que il y a quand même chez Schopenhauer cette idée que nous ne pouvons véritablement échapper au poids et à la force de l'égoïsme qu'à partir du moment où nous sommes capables de regarder les choses pour ce qu'elles sont et donc briser ou déchirer le voile de Maya, comprendre que cette multiplicité n'était qu'une apparence, que nous sommes au fond, il n'y a plus de différence à faire entre le moi et le non-moi, la différence avec les autres s'évanouit. Ça va aussi loin que ça, hein, pour une pensée de l'égoïsme, c'est quand même une révolution que de ne plus faire de différence entre soi et les autres. Tout à fait, alors en même temps on pourrait être critique là-dessus. On pourrait dire, mais est-ce qu'au fond, c'est pas une ruse de l'égoïsme, là encore, de faire que je m'émeux du sort de l'autre parce que finalement, je considère que c'est encore moi. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. L'expansion de l'égoïste. Peut-être qu'au fond, il n'y a donc que de l'égoïsme, et un égoïsme qui produit à un moment donné autre chose que lui-même, puisqu'il en vient à respecter l'autre au motif que c'est encore moi. Ça serait une critique qu'on pourrait effectivement faire. Mais en même temps, il y a dans cette idée que nous voyons enfin ou nous saisissons enfin la volonté pour ce qu'elle est. Et à partir de là, comme par une forme de magie, la puissance égoïste. Mais ça se tient en même temps le constat de Schopenhauer de dire que, partant du principe que la souffrance est le lot commun, est le sentiment et l'expérience première de chaque homme sur Terre, car alors, nous serons moins facilement déçus, puisqu'on s'attendra à ce que tout le monde souffre, et deuxièmement, on s'identifiera plus facilement aux autres. Oui, c'est pas un mauvais conseil. Non, c'est pas un mauvais conseil, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas d'aller dire que nous sommes tous des êtres méchants, mais nous sommes tous des êtres qui souffrent. Oui, et à partir de là, on a effectivement une pensée qu'on pourrait... On faisait référence au bouddhisme. Je peux même dire le bouddhisme, c'est sans doute cette religion avec laquelle ma philosophie a le plus de liens. Et c'est sans doute parce que le bouddhisme fait partie de ces religions tellement anciennes qu'elles sont nées, elles sont nées au moment, enfin à un moment où elles n'ont pas encore pu être parasitées par toutes nos abstractions. Il y a quelque chose, voilà, peut-être d'assez immédiat, lointainement immédiat. C'est quand même ça peut quand même nous faire sourire, ma philosophie est forcément juste. La preuve, c'est qu'elle s'accorde avec les religions les plus sages et les plus anciennes. Mais Schmeller nous parle aussi de l'essence du christianisme, comme avec cette idée, par exemple, cette vertu théologale qui est la charité, hein, qui est liée quand même à l'expérience de la pitié, parce que la charité, c'est quand même l'amour que je peux porter aux autres parce que je peux prendre la part de la souffrance des autres. À la différence toutefois qu'il n'y a pas, comme dans la religion chrétienne, chez Schopenhauer, il y a de la charité, mais sans reconnaître en même temps à la vie une quelconque vertu. On va se quitter avec la pitié en demandant pitié à travers la voix de Gene Wells. I never ever thought I'd live to see the day that I'd be running after a man this way. Baby, you don't know the effect you have on me. You got my mind all twisted and I can't wiggle free. Have a little mercy on me, baby. Show a little mercy. He's a baby, just a little bit. Hey, whenever you're out of my sight, all I do is pace the floor. My nerves are never settled until you walk through my door. At night when I'm laying in bed, all I do is toss and turn. Have a little mercy, c'est Gene Wells qui le chante. Merci à vous, Christophe Salin, d'être venu nous parler de Schopenhauer aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Je renvoie les auditeurs à votre livre « Apprendre à philosopher avec Schopenhauer » aux éditions Ellipse. Vous avez également préfacé sur le besoin métaphysique de l'humanité de Schopenhauer aux éditions Mille et Une Nuits. Vous avez préfacé les manuscrits inédits de Schopenhauer, toujours aux éditions Coda. Et puis vous êtes l'auteur d'un éloge de la roue libre, publié à The Minute Philosopher, paru cette année. On mettra les références de ces livres en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Sur France Culture, les Chemins de la Philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Entre la distanciation sociale et le confinement, le Covid n'a pas seulement modifié notre rapport au monde, aux autres ou au temps, mais tout d'abord à l'espace. Restez chez vous et limitez vos déplacements. C'est la première chose qu'on nous a dit et qui a chamboulé tout le reste. Dès lors, tout a semblé borné, restreint, paramétré. Pourtant, face à ce qui a été vu et à raison comme une limitation de notre champ d'action et de circulation, s'est élevée une célébration de l'espace domestique. Qu'il fait bon être chez soi, a-t-on pu entendre. Mais peut-on se sentir chez soi quand on ne peut plus mettre le nez dehors? Dans cette guerre, chacun a sa responsabilité. Chacun a les moyens d'anticiper et de participer au combat. Cela n'a jamais été aussi simple en réalité. Il suffit de rester chez soi. Quand les mesures de quarantaine sont tombées, la réaction a été pour la plupart de se réfugier quelque part. Appartement ou maison, retour au bercail ou résidence secondaire, chacun a pris ses propres mesures de confinement. Un peu abasourdi et un peu soulagé aussi d'être à l'abri. Mais il faut le dire, la question s'est quand même très vite posée.